brille sur le vif. Écoutez. Ah bon? Tu ne savais pas que Gérard partait au Sénégal? Non, tu me l'apprends. Ça m'étonne un peu qu'il ne m'ait rien dit, puisque je lui ai parlé encore hier. Il pensait que tu le savais. Il est content? Oui, il y avait longtemps qu'il avait fait une demande pour partir à l'étranger. Répétez. Ah bon? Tu ne savais pas que Gérard partait au Sénégal? Non, tu me l'apprends. Ça m'étonne un peu qu'il ne m'ait rien dit, puisque je lui ai parlé encore hier. Il pensait que tu le savais. Il est content? Oui, il y avait longtemps qu'il avait fait une demande pour partir à l'étranger. Écoutez. Alors, qu'est-ce que je prends? Un canapé à deux places ou un canapé à trois places? Je ne sais pas quoi te conseiller. Et tu le prends en quoi? En velours? En cuir? D'après toi, qu'est-ce qui est le moins fragile? Je n'en ai pas la moindre idée. Répétez. Alors, qu'est-ce que je prends? Un canapé à deux places ou un canapé à trois places? Je ne sais pas quoi te conseiller. Et tu le prends en quoi? En velours? En cuir? D'après toi, qu'est-ce qui est le moins fragile? Je n'en ai pas la moindre idée. Écoutez. Pour placer des économies, vaut-il mieux acheter des actions ou les mettre à la caisse d'épargne? Ma foi, vous me prenez au dépourvu. Je ne me suis jamais posé la question. Répétez. Pour placer des économies, vaut-il mieux acheter des actions ou les mettre à la caisse d'épargne? Ma foi, vous me prenez au dépourvu. Je ne me suis jamais posé la question.